table au resto, les bougies allumées, toi et moi en duo, au nom de l'amitié. Non, nous n'avons jamais, jamais été ensemble. Tout le monde semble penser, rien qu'à l'idée j'en tremble. Toi et moi au resto, à manger en parlant de sexe. Nos amours, nos râteaux, nos plans cul et nos ex. Je prends quelques mythos en te bouffant des yeux. Dis-moi ce qu'il nous faut si on est tous les deux. Oh, laisse-moi, laisse-moi coucher avec toi. Laisse-moi, laisse-moi. Laisse-moi, laisse-moi coucher avec toi. Laisse-moi, laisse-moi, oh, juste une fois. Comment ai-je pu accepter que l'on devienne ami? J'aurais dû me méfier, ne pas être si gentil. J'aurais dû faire l'enfoiré et pas le confident. Maintenant les dés sont jetés, je me les prends dans les dents. Ça fait un moment maintenant que toi et moi on se connaît. Ensemble on te fait les 400 coups et je voudrais t'en mettre un dernier. Alors laisse-moi, laisse-moi coucher avec toi. Laisse-moi, laisse-moi, oh, juste une fois. Laisse-moi, laisse-moi coucher avec toi. Laisse-moi, laisse-moi, oh, juste une fois. Tu sais, toute ma vie j'ai attendu ce moment. Je vais enfin les voir. Je peux les toucher. Mon Dieu, qu'est-ce qu'ils sont beaux. Et puis ta peau. Oh, cette peau. Je la lèche. Laisse-toi faire. Encore, encore. On dirait qu'on n'a pas la même notion de l'amitié. En quoi le fait d'être ensemble pourrait-il tout gâcher? Est-il vraiment si important qu'on s'embrasse sur la joue? Et si je te prends la main, est-ce que ça ruinerait tout? Je te demande pas la lune, je ne fais pas de promesses. Pourquoi est-ce que je t'aimerais moins quand je t'aurais touché les fesses? Pourquoi perdrais-tu mon estime quand tu m'auras sucé la bine? Pourquoi est-ce que je t'aimerais plus une fois que je t'aurais défoncé le cul? Alors laisse-moi, laisse-moi coucher avec toi. Laisse-moi, laisse-moi, oh, juste une fois. Laisse-moi, laisse-moi coucher avec toi. Vas-y, touche, vas-y. Laisse-moi, laisse-moi, oh, juste une fois. Un peu plus à droite, un peu plus à droite. Ça y est, c'est le grand moment. Toi et moi, seuls, dans cette caravane. Je t'arrache ton t-shirt avec les dents. Je découvre tes petits tétons, tout velus. Et puis ce cul, je le vois enfin. Je le lèche. Oh, un cadeau. Ah mais tu vas m'essuyer ça de suite, hein. Allez, à genoux, plus vite. Bon allez, je t'en veux pas, je t'aime.